L'ennui quand on enchaîne Bloodsport et Mortal Kombat, c'est qu'on revoit vachement à la baisse Mortal Kombat. Là où l'un est un film avec des artistes martiaux, l'autre est un film avec des acteurs. La différence, c'est que les combats du premier sont bien meilleurs que ceux du second, mais il ne faudrait tout de même pas bouder notre plaisir. Il y a de nombreux bons points. D'abord, les décors sont vraiment très agréables et la mise en lumière très colorée du talentueux chef-op John R. Leonetti est un délice pour les yeux. Et puis il y a Goro, un sacré morceau d'animatronique qui reste encore aujourd'hui un modèle du genre. Et enfin, que serait Mortal Kombat sans son iconique bande originale? C'est étrange. Je déteste ce genre de musique, mais là j'en ai les poils qui se dressent dès les premières notes. Bref, on a affaire à un film de tournoi frileux sur la violence et le gore, au combat médiocre, mais à l'enrobage très très plaisant. Bah et puis il y a Totof qui fait des éclairs avec ses doigts et ses yeux. Et ça n'a pas de prix.